Nika, Ibongito Yokana, Nae Sengo, Nae Sengo, Nae Sengo. Tozala Kabana Fami, Moko, Batusu Bakende Antia, Batusu Bakende America, Ibongito Yokana, Nae Sengo, Nae Sengo, Nae Sengo. Ozala Guyane, oh. Ozali Africain, Ozala Haïtien, Ozali Africain, Ozala Antillais, Ozali Africain, Ozala Américain, Ozali Africain, Ozala Jamaïcain, Ozali Africain, Tosangana, Tosangana, Tosangana, Tosangana.

passant par la Martinique. Et je finirai à Haïti. Vraiment la femme là. El más croqueo. Oh mon gabio, vraiment. Tout mon argent. Là où je travaille, je suis maçon. Je gagne pas beaucoup d'argent. J'ai voulu blaguer. Hein? Aller danser pour voir les femmes dans les yeux. Oh Christina. Oh Fatima. Oh Amina. Vraiment. Vous m'avez l'idée. Enfin.